archi bien. Archi beau. Archi radio. Archi doux. Archi cool. La radio du festival Archipel. Archi chouette. En direct. De 10h à midi. Archi nul. Sur Archipel. Archi fort. Archi grand. Point org. Attila Faravelli, Jérémy Chevalier ou les deux? Hein? Quoi? Eh bien non, aujourd'hui c'est Jérémy Chevalier. Bonjour Jérémy Chevalier. Bonjour toute l'équipe d'Archi Radio. Bonjour. Eh ben, on est bien content que tu sois là. Comment vas-tu? Ça va, c'est un peu difficile de faire tous les concerts jusqu'à assez tard. De plus en buvant des bières et voilà. Mais ça va. C'est dur la vie. Ouais, je sais. On a la vie dure. Et comment ça se passe alors ces workshops? Ouais, ça va. Alors, y a, effectivement, y a, normalement, c'est censé être un peu sur inscription. Puis finalement, il n'y a personne qui s'inscrit. Mais comme je suis un peu tout le temps là-haut, et ben, en fait, de manière assez informelle, ça marche assez bien, je trouve. Donc, je suis là-haut au premier étage, dans cette espèce de bar, avec ce parquet qui grince à mort. Et il y a deux vidéos à moi qui tournent, donc ça attire déjà un peu le monde à l'intérieur. Et après, ils peuvent se diriger vers le bar et puis on peut discuter. Et puis, je leur montre un peu les choses que je fais en ce moment. Finalement, je me suis dit que j'allais vraiment me faire une sorte de résidence là-haut, dans ce bar. Donc ça va évoluer. Je pense qu'à la fin du festival, j'aurai vraiment plein de bordel. Et puis... peut-être c'est un peu ça que je vais essayer de faire, c'est un peu le bon. Mais alors, en quoi ça consisterait une résidence autour du field recording dans un bar avec un parquet qui grince? Un parquet qui grince et trois frigos différents. Donc je pourrais vraiment composer une pièce pour parquet qui grince et trois frigos, j'y ai pensé. En tout cas, j'en ai déjà enregistré un petit peu. C'est assez chouette. Là, pour l'instant, j'ai continué un peu sur des espèces de micros en terre cuite, là. Je m'en peux présenter. J'ai fait quelques enregistrements avec. J'ai enregistré des concerts. Et d'ailleurs, la dernière fois, tu es arrivé en parlant de ces micros en terre, en disant que c'était un couple RTF dans de la terre. Mais je pense que beaucoup des auditeuristes ne savent pas ce que c'est qu'un couple RTF. Et donc, peut-être que tu peux revenir là-dessus et expliquer un peu plus précisément... Bien sûr. Quelle est cette construction, quoi? Pas de problème. Alors, couple RTF, j'aime bien, c'est un peu une blague, parce que c'est une blague de dire que c'est un couple RTF, parce que c'est vraiment deux capsules de microphone noyées dans un bloc de terre. Mais c'est un couple stéréo et je les ai mis. En fait, un couple RTF, si je ne me trompe pas, c'est deux micros cardioïdes, donc ils sont plutôt directionnels. Et qui sont placés en, je crois, 120 degrés, l'un de l'autre. Je crois avec 17 cm de distance l'un de l'autre. C'est 17 cm, c'est ça, ouais. Je connais pas exactement les spécifications techniques. Mais en tout cas, j'ai... Ouais. Non, rien. J'assiste à cette discussion technique qui est passionnante. Et puis j'apprends des choses. Ah, okay. Mais hier, en visitant ton atelier, j'ai vu qu'il y avait déjà des œuvres qui étaient réalisées. En fait, il y avait une extension du premier micro que tu nous avais apporté. Est-ce que tu peux aussi un peu parler de ça? Oui, bien sûr. En fait, le bloc de terre, c'est un des micros que j'ai fait qui est le plus récent, finalement. Le premier que j'ai fait, en fait, j'ai essayé de faire des formes. Ça m'intéressait de travailler le son. C'est ce rapport entre le son qui est quelque chose d'immatériel et revenir à quelque chose d'hyper matériel qui m'intéresse. Comme je suis un mec qui plane pas mal, c'est bien de me raccrocher à quelque chose d'un peu solide et de la matière. Voilà. Donc mon idée, effectivement, j'ai commencé à faire des pavillons, des trucs comme ça. Il y en a un que peut-être tu as dû voir, si vous venez me voir là-haut, je vous le présente, il y en a un. Il y a un espèce de renvoi coudé, c'est-à-dire qu'il y a deux pavillons qui sont l'un au-dessus de l'autre et qui pointent dans la même direction. Et ces deux pavillons sont reliés ensemble par un tube en terre, toujours. Et il y a la capsule qui est posée devant un des deux pavillons. Et donc le son entre dans les deux pavillons, le pavillon du bas sur lequel il y a la capsule, le son arrive directement à la capsule, et dans le pavillon du haut, le son entre et est renvoyé par le coude et arrive de l'autre côté de la capsule, pardon. Et ça crée un espèce de léger delay, un délai dans le son. Et c'était mon objectif, c'était d'arriver à créer une sorte d'un filtrage de fréquence par ce qu'on appelle un filtre en peigne, donc il y a un terme assez technique, mais c'est quand on met un delay, je peux delay, ça va, enfin un delay dans le son en fait, il y a un déphasage qui va faire que certaines fréquences vont être boostées et d'autres vont être annulées en fait, et c'était ça qui jouait avec ça qui m'intéressait, en plus d'une directivité. Parce que le microphone est assez directif. Et ça marche. Mais ça marche assez bien. Et ouais. Tu aurais des enregistrements à nous faire écouter, peut-être. J'ai que des enregistrements à vous faire écouter. Ça serait le plus parlant. Alors. Mais peut-être avant ça, moi j'avais une question parce qu'on a reçu Asia Ahmedjanova qui nous parlait finalement de faire de la musique contemporaine avec des archets qui sont placés de telle manière que ça met les musiciens musiciennes en difficulté. Et puis toi finalement tu viens nous parler de choses très très pointues en matière de son, de couplure RTF ou de technique de peigne. Et tu le fais avec des moyens rudimentaires. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose de... Est-ce que c'est, en fait, ça fait partie du projet dès l'origine, en fait, d'explorer ces choses qui sont très, très techniques avec ces moyens qui mettent aussi en difficulté, en fait? Alors, complètement. C'est-à-dire que moi, je suis passionné de technique. Je suis aussi un peu scientifique. Et je suis un peu un geek, clairement. Mais en même temps, je réfléchis beaucoup à notre rapport à la technologie, quoi. Puis c'est aussi ça qui m'intéresse. C'est d'un coup créer des objets techniques avec des moyens ultra rudimentaires qui marchent ou pas. Je cherche aussi à revenir à quelque chose d'un peu... Je vais mettre des guillemets écolo décroissant, même si j'aime pas trop les étiquettes ou quoi. Mais j'aime bien essayer de revenir à un truc hyper pauvre, hyper brut. Et puis, parce qu'il y a tellement une lubie aussi dans le matos, dans le son. Il y a ce qu'on appelle le GAS. Je sais pas si vous connaissez, vous êtes peut-être victime du GAS. GAS, c'est l'acronyme de Gear Acquisition Syndrome. Et ça touche particulièrement les musiciens et les photographes. Et c'est cette espèce de lubie de... alors par exemple, le typique, c'est ceux qui font du synthé modulaire, et moi, je comprends trop. Et moi, j'ai des phases de gaz aussi où je me dis « Ah ouais, le matos, ça, tel micro, tel machin. » Alors qu'en fait, c'est la catastrophe, c'est consumérisme, c'est toutes ces choses-là qui, en partie, aident à bousiller la planète. Enfin bon, je vais pas lancer un nom, mais... Et ouais, moi c'est aussi un forcing, je me dis non, en fait je vais pas prendre des micros, des DPA, des machins, je vais prendre des petites capsules et je vais faire un truc pourri, et en fait c'est ça le son du futur pour moi, il y a quelque chose comme ça. Par rapport à ça, est-ce qu'il y a une finalité, enfin, est-ce que toi quand tu fais ça, tu te dis tiens, je vais aussi le faire parce que je cherche tel son pour telle création et tel objet sonore à venir, ou c'est plus l'idée de justement d'aller... questionner l'objet comme tu viens de le faire, l'objet de prise de son lui-même et le gas dont tu parles, le fait de vouloir toujours acquérir plus d'objets ultra technologiques et effectivement absolument pas écologiques. Alors c'est, à la base c'est plutôt, comme je suis assez conceptuel, c'est plutôt la deuxième réponse. mais quand même, je me retrouve avec tous ces objets bizarres et je me dis bon, je vais quand même essayer de travailler le son. Et finalement, je passe aussi beaucoup de temps à explorer après. Et finalement, ça me donne une espèce de matière à créer de la substance sonore. Hier, enfin c'était ça que je vous ai préparé pour vous faire écouter, mais hier, je me suis baladé avec juste un bout de terre molle, donc pas sèche, quoi. Et puis avec dedans une capsule, quoi. Un peu noyé dedans, puis je passe mon temps à l'ouvrir, je crée une cavité, je moule une cavité en terre, je mets une capsule dedans, puis je la ferme, je l'ouvre, puis je module des fréquences comme ça. Puis je m'amusais un peu à enregistrer le concert en mono, comme ça, de manière assez... Et à un moment donné, il y a un truc assez bizarre, c'était dans la grande salle, je ne me rappelle plus du nom du concert, c'était une pianiste et un percussionniste. Et à un moment donné, je tombe sur une fréquence de résonance. Quand j'enlevais mon casque, j'entendais pas du tout cette fréquence. Et quand je le remettais, j'entendais vraiment, et ça résonnait. Il y avait une réverbération à l'intérieur de cette petite cavité dans ma main. Et je trouvais ça fascinant. Et je peux vous faire écouter. Alors, volontiers, oui. Alors, je cherche le son. Attendez. Je vous mets un petit peu avant, parce que je l'ouvre, on entend un peu. Ouais, voilà. Voilà. Ah, zut, pourquoi il est... Qu'est-ce qui se passe ? Donc c'était donc le concert de Vera Kapeller et de Peter Zumthor. Voilà, tout à fait. Ça... Et manifestement, on n'a pas entendu le même concert. Non, non. Je sais pas si l'expérience était mieux ou moins bien, mais... C'est assez drôle. Voilà, je... Ouais. Bah, je me demandais si justement toi, Antoine, moi j'étais pas au concert hier, mais toi qui as entendu le concert et qui entends cet enregistrement. Alors je n'avais pas d'oreilles, de terre dans les oreilles, donc, mais non, mais après ce que je trouve assez intéressant, c'est, et puis aussi par rapport au premier son que tu nous avais présenté, c'est qu'il y a, il y a quelque chose à la fois justement une technique très rudimentaire, une facture vraiment assez... assez rudimentaire, et en même temps, il y a quelque chose d'incroyablement précis, alors qu'il se réorganise à sa manière, mais il y a, enfin, dans cette sorte de singularité de l'objet qui est, de ces micros avec la Terre, il y aurait vraiment matière à faire tout un travail d'enregistrement qui pourrait vraiment dire autre chose que simplement le fait qu'une capsule a été placée dans la Terre. Enfin, ça devient quand même un outil qu'on peut clairement utiliser, j'ai l'impression, pour réaliser autre chose qu'un projet qui parle de l'objet lui-même. Mmh. Ouais, bien sûr. Bah après, oui, non, mais c'est vrai. En fait, après cet enregistrement, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, je vais peut-être faire... je pensais faire ça un peu aujourd'hui, commencer à vraiment prendre encore cette terre molle et puis la moller à des endroits, puis... faire un peu du field recording, un peu dans les environs, quoi, puis essayer de trouver à chaque fois des lieux, puis faire peut-être des séquences de... Et puis finalement, peut-être que dans notre horizon super technologique, l'élément peut-être le plus compliqué à trouver, c'est cette terre, cette glaise, ou comment ça se passe avec ça? Ah, pour la trouver? Oui. Je la commande chez Bosner. C'est le Thomann de la poterie. Est-ce que c'est pas du gaz de la poterie? C'est un peu le gaz de la poterie. Ah, une nouvelle terre. Est-ce qu'il y a des terres spécifiques? Alors j'ai essayé trois terres différentes. Pour l'instant, j'ai pas encore cuit, mais je vais faire une cuisson ce soir. La première terre que j'ai essayée, je l'ai achetée à M-Park. C'est une terre de chez, je m'en rappelle plus, Pueblo, je crois, la marque. Bon. Elle est très granuleuse, elle est chamottée en fait. Donc, chamottée dans la terre, c'est qu'il y a beaucoup de particules qui sont assez grosses en fait. Et elle était beaucoup plus friable en fait. Elle a un aspect comme ça, elle craquelle plus vite. Il y en a pas mal que j'ai fait ça. Et après, quand même, je me suis dit, bon, allez, on va passer au-dessus, on va commander une autre terre. Et là, c'est une terre, j'ai quand même pris une terre qui est utilisée pour les enfants. Je sais pas, les terres commandées plutôt de type pour les écoles. Parce que je pense qu'il y a peut-être moins. Peut-être, des fois, ils mettent des adjuvants, des trucs. Voilà, je me suis dit si jamais je fais. Voilà. Mais celle-là est beaucoup plus fine. Et voilà, j'ai créé un. Je vais le cuire ce soir. J'ai créé un micro hyper directionnel avec une forme de tube comme ça, avec au fond une parabole. Je me suis dit, je vais mettre une capsule là, puis une poignée. Enfin, je suis hyper content. Je vais On est d'accord que tu ne mets pas les capsules dans la cuisson? Non, j'attends. c'est mon rêve, mais ça ne tient pas. Moi aussi, c'est pour ça que je demande. Ah ouais. Non, non. Et moi, j'ai une dernière question. Après, je ne me rends pas compte à quel point on peut déborder encore un peu. Alors, on ne peut pas trop déborder. parce que il y a le concert de la HEM, restitution du workshop, qui va commencer dans pas longtemps. Apparemment, il s'installe et Denis s'installe aussi. Tout le monde s'installe en haut. Bon, bah alors, ça sera demain ou après. Non, après-demain. Après-demain. Je garde ma. Je me réjouis. Ma question dans la poche. Bah, merci beaucoup, Jérémy. Merci à vous. Et puis, bah, donc, on va devoir vous laisser. Et... On a encore 2 minutes. Peut-être qu'on peut juste donner le programme. Tout à fait.